Mercredi 27 février 2013, Mouloud Didier au micro. Bienvenue à une autre édition de votre magazine hebdomadaire Amandla. Amandla est une émission produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique que vous pouvez syntoniser tous les mercredis soirs de 19h à 20h sur les ondes de CKUT 90.3, une émission d'obédience panafricaniste et socialiste. Voilà, aujourd'hui pour la partie donc en français, je dis la partie en français mais en réalité toute l'émission sera en langue française. On va revenir sur ces tribulations qui ont court dans cette région qui va du Maghreb jusqu'au Proche-Orient, qu'on appelle ces événements donc qui ont débuté il y a 2 ans, qu'on appelle le printemps arabe. On va essayer d'en faire une analyse à la fois sociologique, politique et géopolitique surtout. J'ai pour ce faire un invité, professeur retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, Jacques Mascoteau, qui nous fait l'honneur de venir nous visiter, nous rendre visite ici au studio, qui suit finalement ce qui se passe dans ces pays de très près, exaspéré notamment par la couverture médiatique par rapport à cet enjeu capital qui se joue dans cette région du monde à l'ère, si vous voulez, de la globalisation, mais surtout de la crise du capitalisme actuellement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner des éléments, si vous voulez, pour décrypter de façon à la fois sur le plan politique, sur le plan sociologique, quelques-uns des éléments de fond qui sont sous-jacents aux révoltes qui ont cours dans cette région du monde. On va peut-être prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec notre invité, donc Jacques Mascoteau. Alors, 19h03, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM. Donc, la dernière pièce musicale que vous venez d'entendre, elle est de Rokia Traoré, gracieuseté donc de ma collègue Mélanie Lamonde. Est-ce que tu voudrais dire, Mélanie, de quel album est tiré cet opus que nous venons d'entendre et quel est le nom de la chanson, s'il te plaît? Oui, alors, issu du festival Nuit d'Afrique, la 15e édition. C'est une compilation et c'est la chanson numéro 1 de Rokia Traoré qui s'intitule « Mouneïssa ». Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je disais donc en introduction de l'émission que nous avons la chance de recevoir donc cette émission Jacques Mascoteau, professeur retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, qui suit de près ce qui se passe dans cette zone qui va du Maghreb jusqu'au Machrek, mais plus largement donc très intéressé par les relations internationales. On voulait revenir un peu sur cette question qui est communément appelée le printemps arabe, les révoltes qui ont cours dans cette région du monde. Jacques Mascoteau tout à l'heure me disait hors d'onde qu'il est exaspéré par la couverture médiatique qui prévaut donc sur les révoltes qui ont cours, les simplismes à partir desquels on appréhende finalement ce qui est sous-jacent à ces révoltes. Donc, les responsabilités aussi. Voilà. Donc tu pourrais d'abord, dans un premier temps, nous dire par quoi est motivé ton intérêt pour cette région du monde. Et c'est un enjeu capital pour la suite du monde. Et on pense peut-être que ce qui se passe dans ces pays ne concerne que ces pays. C'est l'avenir de la globalisation qui se joue. Voilà. Et par rapport, finalement, on parlait de couverture médiatique. Tu pourrais dire un peu quelques-uns, finalement, des truismes qui prévaut, qui nous empêchent d'en penser la complexité? Et les causes sont nombreuses. Mais fondamentalement, c'est chacun choisit son camp. Et pour faire simple, c'est les tenants d'un ordre capitaliste néolibéral pour la globalisation qui s'exprime de la sorte et qui y voit des signifiants démocratiques, des avancées démocratiques là où il n'y a que, je dirais, coup d'État militaire. savamment orchestrée. Tu pourrais donner des exemples ? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui est au pouvoir aujourd'hui ? Ce sont des formations islamistes. Mmh. Et c'était à prévoir d'abord. Et pourquoi sont-elles arrivées au pouvoir ces formations islamistes ? Ça revient à la question, pourquoi des coups d'État militaires ? Mmh. Donc nous sommes dans des sociétés fortement traversées par une crise du politique, crise démocratique, et pourtant ces islamistes qui aujourd'hui hégémonisent le champ politique étaient tout à fait absents lors du début des révoltes. Quand on voyait finalement les catégories sociales qui se révoltaient, on aurait pu penser a priori qu'ils étaient absents, mais finalement, lorsque les élections arrivent, ce sont eux qui hégémonisent et qui sont dominants. Mais tout le monde, des gens bien renseignés ou minimalement renseignés, savaient que les formations islamistes étaient les seules qui avaient une base sociale dans les sociétés et qui étaient organisées, qui avaient un programme et qui avaient des alliances. À l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays. Alors maintenant, je peux vous dire pourquoi je dis que ce sont des coups d'État militaires. Pourquoi ? Voilà. D'abord, ce sont des révoltes qui, à la base, expriment un ras-le-bol de la population, une volonté de changement, c'est certain. Une révolte contre l'humiliation quotidienne permanente, l'honneur national, l'honneur personnel. Là, on est d'accord. Mais surtout, ce sont des révoltes qui ont été directement médiatisées. Mais elles sont le fruit de toute une décennie, voire même bien plus long, de mobilisation sociale chez les travailleurs, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, par exemple. Hein. Tout à fait. Et des mouvements profonds, de grèves très dures contre le régime, contre la police, qui n'ont pas fait de couverture médiatique. Oui. Alors maintenant, pourquoi à ce moment précis ces révolutions adviennent ? Voilà, là on est rendu à l'épisode début 2011. Notamment. Bon, vous avez vu que par exemple, on parle de la belle révolution tunisienne. Avez-vous déjà vu une révolution qui se consacre sur une place ? Mmh. C'est à peu près si on prenait la place du Champ de Mars à Montréal, on disait la révolution a eu lieu là. Vous voyez, cette concentration symbolique sur la place Tahrir est en quelque sorte la démonstration de la capacité de coordination et de maîtrise des forces qui ont encadré cette révolte. Parce qu'elle a été encadrée dès le départ par des puissances extérieures, vous le dire carrément. D'un côté, les États-Unis et les pétromonarchies du Golfe, et de l'autre, les Européens. Alors maintenant, quels sont les pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, il faut toujours préempter une révolution. Il faut toujours mieux prévenir que guérir. Alors, quels sont les intérêts ? Bon, premièrement, la globalisation a une logique qui exigeait de renouveler les classes dirigeantes de ce pays, qui étaient aux mains, si on prend la Tunisie ou l'Égypte, de clans familiaux. Mmh. Qui se caractérisait par une prédation qui venait en contradiction avec une logique financière, une logique d'accumulation plus élargie. Il faut donc renouveler ces élites. D'autant plus que sur la scène mondiale, il y a la montée en puissance de la Chine et de la remontée de la Russie, il fallait donc coopter des élites qui regardent plutôt du côté des États-Unis et du monde occidental plutôt que de la Chine et de la Russie. Mmh. Maintenant, il y a d'autres facteurs en jeu dans cette planification. Premièrement, il fallait mettre en place des régimes islamistes, parce que c'était sûr que après les élections, ce sont des forces organisées, très bien financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite, les frères musulmans, les salafistes, qui allaient s'emparer du pouvoir. Et on savait déjà à l'avance qui c'était ces gens qui, depuis 50 ans, ont des liens privilégiés avec la diplomatie américaine et qui sont directement impliqués et ouvertement impliqués dans le néolibéralisme. Et on savait très bien que de tels régimes allaient en quelque sorte surenchérir sur les réformes néolibérales. Alors justement, il faudrait peut-être montrer comment l'arrivée des islamistes en Égypte, de quelle façon selon toi ils vont permettre si tu veux, une logique de domination, parce que bon, l'Égypte est dans une optique de, est déjà lancée dans une logique de normalisation depuis les accords de Camp David, avec à la fois son voisin israélien, mais aussi depuis ces accords, donc l'Égypte marche dans, si tu veux, dans le giron occidental, notamment par le biais du régime de Moubarak. Alors comment, a priori, on pourrait croire, puisque la société égyptienne est fondamentalement réfractaire, si tu veux, à la fois à l'ordre impérialiste, mais aussi à la normalisation avec l'État d'Israël, on pourrait croire que les islamistes seraient en porte-à-faux avec leur société. Oui, alors d'abord, regarde, t'as remarqué que dans les journaux, on dit « voici la maturité d'un peuple, aucun drapeau américain n'a été brûlé, aucun drapeau israélien, etc. » C'est qu'on savait qu'avec les islamistes au pouvoir, on allait respecter les accords de Camp David, on allait geler cette question de la frontière avec Gaza, qu'il n'y avait aucun risque pour la sécurité d'Israël. Ça, c'est un des motifs. De ces coups d'État militaires qui ont été faits avec l'accord de l'armée qui a des liens privilégiés avec les États-Unis, que ce soit l'armée tunisienne ou l'armée égyptienne. La plupart des éléments haut gradés de ces pays ont fait des stages, de nombreux stages aux États-Unis. Deuxièmement, avec des régimes islamistes, on était sûr que on pouvait avoir, qui sont financés par les monarchies du Golfe, que cette dominance des monarchies du Golfe dans la région allait se poursuivre. Et il est clair que cela est d'autant plus important pour ces monarchies que le Qatar devient de plus en plus une puissance régionale, économique, financière. Et attends, j'ajouterais que ça permet... par la suite, avec des régimes islamistes un peu partout, et c'était juste un premier niveau, hein, ce dont je parle. Ça permettra aux monarchies du Golfe d'avoir une prépondérance dans la Ligue arabe. Et donc, par là même, une capacité de faire du lobbying vis-à-vis de l'ONU et de ce qu'on appelle la communauté internationale. Voilà. Et les exemples qu'on pourrait donner de ça, si tu veux, de ce rôle tout à fait inféodé de la Ligue arabe, c'est notamment les résolutions pour la zone d'exclusion aérienne en Libye, c'est les multiples résolutions en faveur de la condamnation du régime syrien, notamment. Oui, oui, notamment. Et en même temps, la politique poursuivie par ces monarchies qui vise directement l'Iran, qui est une puissance régionale. Et il faut couper l'Iran de ses alliés, qui sont bien entendu, présentement le plus important, c'est la Syrie et le Hezbollah du Liban. Et il est clair que en s'opposant à la Syrie, vous vous opposez par là même à la Russie et à la Chine, puisque l'Iran compose un trinôme avec la Chine et la Russie, dans le cadre d'une recomposition des puissances régionales en Eurasie, notamment en ce qui concerne l'acheminement des ressources énergétiques. Et en plus, la Russie, qui se recompose sur la scène internationale, a une base militaire importante en Syrie. Alors justement, comment expliquer peut-être le rôle tout à fait hégémonique que semblent jouer les islamistes sur la scène sociale et pourquoi c'est la force qui est dominante par rapport à d'autres traditions politiques qui n'arrivent pas à émerger? Bon, ben d'abord, les puissances, dans les forces politiques traditionnelles, elles ont été dégommées, éliminées depuis les 30 dernières années. Hein, que ce soit des forces nationalistes, nationalistes socialistes, séculières, ou d'ailleurs, si vous regardez bien, en Irak, le parti Baath, comme son correspondant Baath en Syrie, comme en Égypte, qui est un régime issu quand même de la révolution, je dirais, dans l'esprit de Bandung, des indépendances africaines, socialisantes, qui veulent en quelque sorte, qui visent le partage des terres, qui visent une certaine justice sociale. Bon, ben c'est ces régimes-là dont il faut se débarrasser, qui par hasard s'opposent à Israël. Voilà, donc cette politique, si tu veux, d'endiguement des forces de gauche dans le monde arabe s'inscrivait dans une logique à l'époque qui était également celle de l'endiguement du communisme à l'époque. Que ce soit le communisme ou toutes sortes militaro-populisme, toutes sortes de régimes qui visent une souveraineté nationale. Donc. Et là, on embarque sur le deuxième niveau, c'est-à-dire que la logique de la globalisation, parce que d'abord il faut comprendre que c'est pas simplement des logiques financières qui opèrent. Il y a des logiques systémiques profondes qui sont financières et de tout ordre, mais elles ont besoin d'une armature politique. Elles ont besoin d'acteurs qui mettent en place ces logiques. Et ces logiques visent la destruction des sociétés, transformées en sociétés civiles, c'est-à-dire en privatisation générale, avec des groupes de pression. Il faut détruire tout ce qui restait d'acquis sociaux des indépendances africaines dans la mouvance de la tricontinentale, dans les mouvances des luttes sociales et socialistes pour les indépendances. Alors justement, j'aimerais que tu élabores pour nos auditeurs et nos auditrices, pour qu'ils comprennent un peu comment l'islamisme participe de cette espèce de logique de dépolitisation du champ politique dans les sociétés où il opère. Ben, d'abord, c'est très simple. À partir du moment où vous dites que la légitimité suprême, c'est Allah qui la détient et pas le peuple, vous avez là déjà une forte compréhension de ce qui peut s'en suivre. Mais d'une façon plus générale, la force de l'islamisme, c'est de dépolitiser le potentiel politique de la religion. Par exemple, avec le chiisme, c'est très clair. Il y a un potentiel politique, sinon on n'aurait pas pu comprendre ce que c'est qu'une révolution islamique en Iran. C'est-à-dire que la vision de la religion, et là on va faire un bémol, on va dire c'est même plus de la religion dont on parle, c'est du religieux. Voilà. Hein? C'est la religion ramenée à des expressions positives, positivées, rituelles, qui en elles-mêmes remplacent par des tabous, par des comportements, par des interdictions, des codes vestimentaires, etc., qui remplacent le rapport à la transcendance. Et toute capacité à faire du lien, finalement, social. Oui, oui, parce que elle vise, comme en Turquie, dont le modèle est Erdogan, l'empowerment des individus. Les individus vont se sentir born again. Il y a des grandes affinités entre ce système, entre ce religieux-là et le religieux américain. Ils vont se sentir en possession de maîtrise d'eux-mêmes par un rigorisme comportementaliste qui leur permet de, en quelque sorte, justifier. Et là, à ce moment-là, l'homo islamicus devient un homo duplex. D'un côté, il est profondément sous des formes positives et religieuses. De l'autre, il peut sortir dans un autre monde et investir dans l'économie néolibérale. Et c'est pour ça que dans un texte que tu m'as remis et que tu as écrit, qui fera peut-être l'objet d'une publication, tu parles de religion du management. Donc, quelque part, ils sont porteuses d'un comportement sur le plan social, ce type d'islamisme politique, qui est tout à fait en harmonie, si tu veux, avec l'ordre néolibéral, mais avec aussi le processus d'individuation dont le néolibéralisme a besoin pour la reproduction d'une logique bien particulière. Ce qu'apporte l'islamisme à des peuples profondément ancrés dans leur culture, dans laquelle l'islam joue un rôle prépondérant, c'est effectivement l'individualisation. Au nom du communitarisme, c'est assez bizarre, mais cet individualisme-là, il est en quelque sorte axé vers la capacité de par soi-même réussir dans la vie. Et il se greffe à des éléments de la culture quand même pour donner sens. En apparence. Bien sûr. En apparence, mais évidemment, le décorum est islamique. Les références le sont également. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça sert de compensation. D'un côté, remarquez, regardez, les bases profondes de ce phénomène de l'islamisation. D'un côté, ça vous permet de maintenir la privatisation de la rente. La rente, qu'elle soit pétrolière, qu'elle soit le canal de Suez, que ce soit le tourisme ou que ce soit les chèques que les travailleurs étrangers envoient dans leur pays d'origine. C'est une forme de rente. on maintient la privatisation et on redistribue une infime partie sur la base du caritatisme religieux. Mmh. Vous comprenez ? On maintient le caractère privé des ressources du pays. Donc un islamisme qui n'a aucune portée antisystémique, finalement. Absolument pas. Et qui, un islamisme qui n'a rien à voir avec l'origine de l'islam. Mmh. Parce que le prophète de l'islam a commencé par distribuer la rente de la Mecque. Mmh. Puisque la Mecque était un endroit important pour le culte des idoles à l'époque. Et il y avait énormément d'étrangers qui y venaient. Et cette rente-là, il l'a précisément arrachée au Quraysh. Et il l'a distribuée, en cela, aidée avec les chrétiens et les juifs, d'ailleurs. Donc tu établis finalement un parallèle à la fois, finalement, cet islamisme politique que l'on observe à la fois en Égypte, en Tunisie et ailleurs, et quelque part le pendant, si tu veux, du néo-évangélisme de type américain. Mais ils sont concomitants dans le temps. Les frères musulmans, c'est une confrérie. Il y a un côté initiatique. De la même façon qu'on dit des délits d'initiés aujourd'hui. Mmh. Ce sont des initiés qui commettent des délits. Hein. Et les Golden Boys, ce sont des gens qui savent plus que les autres. Mmh. Il y a une initiation qui est propre à l'idéologie du management, qu'on retrouve dans l'initiation des confréries en Turquie, ou en Égypte, ou en Tunisie. Oui, ce sont des initiés qui, par définition, ne peuvent que vous amener vers la juste voie. Les élites islamistes turques se nomment la génération dorée. Mmh. Et ils suivent, non des préceptes, mais la guidance. Vous voyez, la guidance spirituelle. Et en cela même, ils se sentent en quelque sorte portés par une espèce d'empowerment qui leur permet de s'adapter totalement à la compétition féroce, de s'adapter complètement au monde et à l'univers du néolibéralisme. Voilà. On va prendre une petite pause musicale, Jacques Mascotto, et on reviendra tout de suite avec d'autres éléments de ton analyse. Donc je vous rappelle que vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM. 19h26, Mouloudi Diéro au micro, toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Mélanie, je te solliciterai encore, si tu voudrais bien avoir la mobilité de nous dire qu'est-ce qui vient de jouer. Alors, nous écoutions la chanson numéro 1, Naawa Dumbia, sur la collection numéro 1 de l'album Friki Iwa. Merci Mélanie. Alors, je reviens donc à mon entretien avec le sociologue Jacques Mascotto. Jacques Mascotto, vous, tu nous disais tout à l'heure, tu faisais une analyse sociologique pour montrer en quoi finalement la dimension comportementale de ce qui se donne à voir dans les pratiques des islamistes aujourd'hui est tout à fait compatible à la fois avec le type finalement de logique économique, mais aussi comment est-ce qu'ils se font très bien dans la logique néolibérale actuelle. Ce qui faudrait peut-être faire comprendre à nos auditeurs, c'est comment est-ce que ces forces islamistes qui tiennent un discours très hostile à l'Occident, par exemple, à l'Occident, dans l'alignement géopolitique dans lequel ils s'insèrent, ils arrivent, selon toi, à reproduire un ordre de domination globale, justement, qui permet, si tu veux, la reproduction d'une capacité de domination de ces mêmes puissances occidentales. Comment est-ce que tu pourrais nous aider à penser cette contradiction et comment est-ce que l'islamisme opère dans la reproduction d'un ordre de domination qu'ils prétendent pourtant sur le plan discursif combattre? Ben écoutez, il y a deux discours. Il y a d'un côté le discours de la différence culturaliste. Voilà. Et ils vont dire, nous c'est la charia. Nous, nous sommes anti-occidentaux. Et la culture se ramène à une désobéissance tout à fait fermée, à une adhésion à des codes culturels. Mais comment ils peuvent en même temps, ben c'est simple, c'est l'extérieur, et la plupart des gens assaillis par la pauvreté et le manque, ce qu'ils veulent c'est régler leur situation qui est horrible, hein, qui est critique, et surtout en ce moment au Sahel et surtout en Égypte. Écoutez, les frères musulmans, ils ne remettent pas en question les traités avec Israël. Ils laissent les institutions internationales comme elles sont. Et ils confortent la position régionale des monarchies du Golfe. Ils semblent même jouer un rôle de sous-traitant dans certains conflits. Absolument. Notamment les conflits d'abord en Libye. Ça a commencé même en ex-Yougoslavie, en Libye et en Syrie. Et il est clair que... Au Mali également. Alors, mais vous voulez-vous qu'on parle de cette question du Mali? Allons-y. Écoutez, le Moyen-Orient fait partie d'une zone stratégique de des enjeux de la globalisation, des enjeux géopolitiques. Et de la même façon, le Sahel également. Ne serait-ce que, vous savez, la domination américaine. Bon, je vous donne des éléments, parce que c'est très difficile de tout dire. Un des éléments ce qu'on peut appeler la domination des États-Unis dans cette globalisation, ou du moins leur capacité de la diriger, c'est aussi les bases militaires. Mmh. Et les bases de commandement. C'est un maillage militaire d'un ordre de domination. Absolument, il y a plus de 2000 bases américaines dans le monde. Et jusqu'à présent, les États africains, malgré leurs faiblesses et leurs errements, ont quand même réussi, pour la plupart d'entre eux, hein, la grande majorité d'entre eux, à refuser que les États-Unis n'établissent un centre de commandement en Afrique. C'est, là, pour le bénéfice des auditeurs, c'est le centre de commandement de l'OTAN. Ouais. Appelé l'AFRICOM. Après l'AFRICOM, qui se trouve actuellement en Allemagne. À Stuttgart, exactement. Voilà. Et il est clair que les Américains veulent l'installer au sud du Sahara. Du moins, plutôt au sud de l'Algérie, dans cette zone avec des pays gigantesques, des grands pays au niveau de la surface, hein, Mauritanie, Niger, etc., Mali. Et là, c'est un enjeu fondamental. Et deuxièmement, il se passe en Afrique ce qu'il se passe au Moyen-Orient, c'est les capacités de contrôler des régions et de contrôler, si vous voulez, la géographie de la globalisation. Et nous sommes ici au cœur des analyses de David Harvey. Harvey, il a tout à fait raison. La politique, c'est aussi de la géographie politique. Et dans cette région qui est riche, que ce soit en matière première, bon, les Français visent l'uranium du Niger, vous le savez, mais l'Afrique est un pays qui, avec la Chine, contient la plus grande partie des métaux rares. Et ces métaux rares sont effectivement les matières premières du XXIe siècle. Pour les fibres optiques, l'ingénierie spatiale, etc. Et l'enjeu, c'est de minorer la position de la Chine dans cette Afrique. Et en même temps, pour les États-Unis, c'est de berner les Français. Je comprends pas comment ils se font berner actuellement. C'est d'empêcher que l'Europe ne se constitue via une sous-région qui serait la Méditerranée comme puissance régionale. Donc pour toi, c'est la mort du projet euro-méditerranéen. Il est mort, il est naze. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-dedans. Et l'intervention des Français au Mali en dernier recours, etc., le prouve très bien. Et donc, si vous comprenez que les enjeux, c'est de... Attends, est-ce que je dois comprendre que pour toi, l'intervention française vise aussi à garder Chassas gardé, convoité par les Américains dans la région ? Ah ouais, mais ils le comprennent un peu tard. Au lieu d'aller faire les zigotos en Afghanistan, et au lieu d'aller faire les cowboys en Libye, où leurs intérêts n'étaient absolument pas menacés, ils auraient pu quand même s'apercevoir que la globalisation avait sérieusement entamé les capacités sociétales de certains États africains, qui sont devenus des États, des failed states, des États faillis, et qu'ils étaient très au courant de la mouvance déjà islamiste qui pouvait poindre depuis déjà quelques années à partir du Nigeria, du Mali. Et ils auraient pu en même temps aussi comprendre que le colonel Kadhafi s'était illustré pour des milliers, des dizaines de milliers de Touaregs. Il leur avait donné la nationalité libyenne en notant qu'ils intègrent l'armée de libyenne, une armée libyenne qui devait en même temps se charger de défendre un État du Sahel. Et que ces gens-là, suite à un écrasement des forces militaires du colonel Kadhafi, allaient revenir dans leur pays, lourdement armés. Et ils auraient pu donc prévoir ce qui se passe. Et je pense que là, il y a un aveuglement certain qui vient du suivisme atlantiste de la France, qui s'est complètement allié là-dessus aux positions de l'Angleterre en Europe. Et ce qui se passe donc dans cette partie de l'Afrique, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus complexe que le Moyen-Orient. Mais on ne peut pas nier quand même, et là peut-être je vais me faire l'avocat du diable, que l'écrasante majorité de la population malienne était favorable à cette intervention. Mais ça, je peux le comprendre très bien. Et d'abord Eh bien écoutez, comment il est advenu cet islamisme-là Parce que jusqu'à présent, les auditeurs devaient se dire, tiens, l'islamisme c'est une question de pays arabes. Puis tout d'un coup, on voit que la question devient cruciale et, comment dire, excoriante dans une partie de l'Afrique. Bon, ça c'est encore les résultats de la globalisation et en même temps de l'armature politique très mouvante des rapports de force géopolitiques dans cette globalisation. Et alors, écoutez, le premier point, c'est que des États comme le Niger, le Mali, la Mauritanie ne peuvent plus assurer le minimum au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. C'est même en complet délabrement. Et il se trouve que dans ces pays, l'économie parallèle, l'économie, le travail au noir, enfin la contrebande, tout ce que vous voulez, est ce qui permet aux gens, pour une partie de la population, de survivre. Donc cette logique de criminalisation économique qui prévaut dans toute la bande sahélienne, pour toi, elle est tributaire d'une logique de délaissement de l'État, de conditionnalité qui s'oppose à l'État malien, qui ne peut plus assumer ses prérogatives. Alors, si ce n'était que ça, c'est des pays qui ont été formés, donc, vous savez, récemment, et ils ont été fortement clivés entre le Sud et le Nord, qui correspondaient à des cultures différentes, à des tribus différentes, à des aires différentes. Et il est évident que la faillite d'un État va se répercuter encore beaucoup plus dans les zones qui déjà étaient défavorisées dans la structure antérieure. Et ça va aggraver considérablement les différences régionales. Et entre le Nord et qui se sent complètement délaissé par rapport au Sud. Comprenez-vous? Alors il y a ça. Ensuite, il y a que ce délaissement de l'État va remettre sur le tapis des phénomènes d'irrédentisme. Comme par exemple la question des Touaregs. La question de l'autonomie de certaines régions. La question de l'autonomie de certaines régions. Des gens qui vont dire, puisque vous ne pouvez pas assurer le minimum dans l'unité nationale, qui est une unité de façade, parce que nous sommes les dindons de la farce, nous allons nous-mêmes créer un État indépendant ou une région autonome dans cette région. Mmh. Et là, donc, automatiquement, vous avez... par-dessus la criminalisation et puis des petits chefs mafieux, des leaders, je dirais nationalistes, pour employer un terme générique. Et puis, troisièmement, vous avez des brigades islamistes, des brigades armées qui arrivent des différents conflits, qui sont issus... dont les chefs ont été formés soit au Pakistan, soit sur le terrain dans la lutte en Afghanistan, un peu partout. Et cela vous donne, en quelque sorte, un conglomérat très opaque de forces qui agissent. Mmh. Et si vous considérez en plus que l'Algérie a connu... De 82-92 ou... Non, la décennie de violence. La fameuse décennie. De 92 jusqu'au début des années 2000, oui. Oui, pardon, qu'est-ce que je prends 92? Ça va. Comment l'Algérie s'en est sortie? Elle s'en est pas tout à fait sortie. Elle s'en est pas tout à fait sortie, mais disons qu'elle a expédié la question dans son sud profond, en disant à des gens comme Mokhtar Ben Mokhtar, par exemple. Ce que tu veux dire finalement, c'est combien de leaders, combien de chefs armés, de groupes islamistes qui avaient opéré en Algérie. L'un des termes de si tu veux, un peu de la réconciliation nationale, c'est libre entre le régime algérien et ses chefs islamistes, c'est leur assurer l'impunité en notant qu'ils restent se livrent à leur commerce, à la périphérie. Ouais, cigarettes, pièces détachées, restez dans votre coin, puis si vous montez pas trop au nord, on vous laisse tranquille. Donc ce que tu nous dis, si je comprends bien pour le bénéfice du auditeur, c'est qu'il faut analyser le conflit de cette bande sahélienne en l'intégrant dans une logique de criminalisation de la guerre, en se livrant à une nouvelle sociologie de conflit, sur le narcotrafic notamment, et ne pas faire intervenir de façon surdéterminante le facteur religieux. Oui, alors on en reparlera. Hier, je continue, malheureusement, l'exposition des facteurs. J'essaye de rendre un peu... Parce que ensuite, vous avez les combattants armés qui arrivent du djihad. Mmh. Et il y en a pas mal de djihad. Et en plus... Il y a quelque chose qui est déterminant aussi, c'est que il y a des facteurs sud-américains, parce que et asiatiques. C'est le commerce de la cocaïne, notamment. La cocaïne, c'est l'Amérique du Sud. Qui passe par la zone sahélienne. Explique ça pour les autres. C'est que jusqu'il y a encore 5-6 ans, les cartels de Colombie et ainsi que les triades et autres organisations du triangle d'or asiatique avaient des routes qui étaient consacrées et qui ont été démantelées, notamment celles qui passent par le nord de l'Espagne et la Galicie, vous voyez. Et ils ont donc choisi de nouvelles routes depuis les dernières années, qui, curieusement, passe par le golfe qui va du Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, vous voyez, qui monte jusqu'au Libéria, vous voyez, cette partie-là. Et, bien entendu, l'Afrique de l'Ouest devient le passage numéro un de la drogue. Ce qui fait que quoi ? Eh bien, ça a intensifié considérablement les capacités mafieuses des mafieux. Mmh. Ça a agrandi le butin, ça a agrandi leur capacité d'acheter des gens. Mais tu n'as pas peur que ce genre d'arguments soient des éléments qui peuvent être brandis comme des éléments en faveur d'une intervention étrangère, justement, dans la région ? Oui, mais attends, inversement, ces puissances qui interviennent, elles sont responsables numéro un des accords du FMI, de toute la politique néolibérale qui a littéralement cassé l'agriculture autochtone, qui a littéralement cassé la souveraineté de ces États. De ces États. Et c'est toujours pareil. On vous casse des assiettes sur la tête et ensuite, êtes-vous contre le fait que j'aille vous mettre un bandeau parce que ça sur votre front. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est un piège. Mmh. Parce que le problème, à la limite, on peut leur donner le bénéfice du doute, ok, vous avez empêché que ce soit l'ACMI, le Moujao, Ansar Dine... Ces différents groupes islamistes, djihadistes, ouais. Ouais. Qui descendent sur Bamako et autres capitales d'Afrique. Et après, les problèmes vont toujours demeurer. Mmh. Après, les problèmes vont toujours demeurer. Parce que, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous posiez tout à l'heure la question l'islamisme. Oui. Bon, et la religion. Bon. Si vous comprenez ce que c'est que des failed states dans la globalisation, et en Afrique, c'est particulièrement cruel. Et c'est dans certaines régions. Les États faillis, oui. Oui, mais encore plus cruel dans certaines régions des régions. Mmh. Nous sommes ici au cœur de ce que Naomi Klein appelle l'économie, le capitalisme du désastre. Ah ben c'est un désastre, dans certains cas c'est même un désêtre. Mmh. Et là, à ce moment-là, vous avez des jeunes. Et vous prenez une population comme le Niger, c'est des populations qui augmentent de 3% par année. Après 25 ans, la population, elle double. Taux de fécondité. Le taux de fécondité est extraordinaire. Il y a des jeunesses une jeunesse qui est désœuvrée. Mmh. Bon, eh ben, à 14-15 ans, on vous met une kalachnikov dans les mains, puis on vous met 5-6 préceptes dits religieux qui vous font comprendre le monde dans un condensé terrible. Et vous créez là les facteurs qui vont se retourner contre l'Occident. Oui, alors là, ça m'amène à te poser une série de questions, mais avant d'y arriver, on va prendre une autre pause musicale. Ouais, si tu veux. Alors, je vous rappelle que je suis en entretien avec le sociologue Jacques Mascotto. On va prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec la suite de notre entretien. Vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Thank you. 19h46, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM. On discute, on a commencé la discussion avec le sociologue Jacques Mascotto qui est notre invité sur le printemps arabe. On arrive finalement à la crise qui prévaut au Sahel. On essayait de penser tout à l'heure, Jacques Mascotto, un peu finalement, quelles sont les raisons qui font que les populations africaines se trouvent dans le dénuement et le paradoxe, c'est que les premières victimes, si tu veux, de ces interventions étrangères sont eux-mêmes à long terme, mais ils finissent par applaudir à ces interventions. Quand même, la question que j'aimerais poser, c'est qu'il me semble que le fait qu'un pays comme le Mali soit pris dans l'obligation de faire appel à une ancienne puissance coloniale, ça sonne quand même comme l'échec, finalement, de tout projet panafricain. Ça pose l'impératif de l'unité africaine, ça pose l'impératif qui consiste à pousser les Africains à se doter d'une armée continentale, ou en tout cas à se donner les moyens politiques de répondre de façon réelle et efficace à ce genre de crise. Et c'est le constat flagrant quand même que nous sommes obligés de tirer de cette crise. Mais vous me donnez l'occasion de revenir sur le Moyen-Orient, et je reviendrai sur l'Afrique. C'est la même chose qui se pose au Moyen-Orient. La globalisation, il y a toute une idéologie d'espace abstrait comme cela. Mais dites-vous bien une chose, qu'il faut une unité arabe également. Comment voulez-vous qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se faire de politiquement viable s'il n'y a pas une répartition intersociétale de la rente ? Si toute la richesse de la rente est consacrée et concentrée dans certains pays, notamment dans les pays du Golfe, comment voulez-vous vous en sortir dans des pays qui ont des populations, une démographie galopante? Imaginez-vous que dans 10 ans, l'Égypte, ce pays de 80 millions d'habitants, elle a une surface cultivable grande comme la Suisse. Vous voyez un peu le désastre. Il faut absolument qu'il y ait un partage de la rente et faire sauter ce verrou qui s'appelle les monarchies wahhabites du Golfe. Il faut absolument que l'ensemble de la région en profite et qu'il faille constituer une région politique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui corresponde à une ère civilisationnelle où se déroule d'une façon démocratique le partage de la rente. Sinon, c'est impossible. Eh bien, de la même façon, l'Afrique montre dans son état, malheureusement, qui se délabre de plus en plus, que cette histoire de globalisation, d'espace abstrait, de caducité des souverainetés, de caducité des États-nations, c'est pas parce que l'État-nation en lui-même est peut-être en quelque sorte en perte de vitesse, mais des États fédérés, n'est-ce pas, des souverainetés à plusieurs étages, un étagement des souverainetés, pourvu qu'il y ait cette puissance de la souveraineté qui garantisse cette répartition démocratique des revenus, de la dette, de la rente, cela doit se faire. Et je dirais que toutes ces tentatives par le passé d'unification, ben elles sont remises sur le tapis. Ben, prenons par exemple la question des pays du Maghreb en Afrique du Nord. Allons-y. L'unité maghrébine qui se pose donc comme un impératif, je pense qu'un Maghreb uni aurait finalement, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, la force de ce que revêtent aujourd'hui les pays de l'Asie du Sud-Est. Et pourtant, il y a toutes sortes de conflits sous-régionaux qui empoisonnent qui sont autant d'obstacles à la possibilité d'établir une unité maghrébine. Il y a la question sahraoui, mais je pense que dans le cadre des régimes actuels, la solidarité qui existe et qui est réelle entre les peuples, elle est freinée par la nature des États, bien entendu. Et justement, la question que j'aimerais poser, l'analyse semble un peu pessimiste, est-ce qu'à l'intérieur des sociétés que l'on observe, que ce soit en Afrique subsaharienne ou au Maghreb, le dynamisme de certaines forces syndicales, de certains mouvements au sein de la société civile, n'est quand même pas un gage d'espoir qui pourrait infléchir, si tu veux, l'ordre néolibéral qui essaye finalement de consolider un ordre d'inféodation? Mais est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer à l'intérieur de cette société, et quelles sont les forces sociales qui peuvent contrarier cette logique de domination? C'est une question compliquée, mais c'est très compliqué. Il faut quand même pas... Enfin, j'essaye de voir un peu quelles sont les pistes d'espérance. Ben, les pistes d'espérance, les choses étant ce qu'elles sont, considérant la formation des élites, ce qu'on appelle les élites économiques, commerciales, politiques, qui se déroulent en Occident, dans les universités américaines et européennes, pour les plus jeunes, dans les collèges de Suisse, de France, d'Angleterre, il est clair que s'il n'y a pas de profond changement dans les pays occidentaux, une démocratisation de l'enseignement, une sorte de décommercialisation de l'enseignement, il est clair que ces pays-là, l'Occident, va continuer à fournir des élites ravageuses, prédatrices, à l'Afrique comme au Moyen-Orient. Parce que tous ces enfants, que ce soit les hommes ou les filles, ils sont tous formés en Occident. Et là-dessus, la lutte pour l'enseignement, la lutte pour la démocratie, pour l'avenir de la civilisation, elle passe aussi par des luttes en Occident. Parce que ces élites-là se reforment en Occident. Hein. Et toute la politique du Canada, des États-Unis, de la France, c'est de recevoir ces nouvelles élites pour pouvoir, en quelque sorte, les reproduire et s'en servir comme futurs interlocuteurs. Alors il est clair que là-dessus, le combat pour la démocratie, pour un nouvel enseignement, passe par là. Hein. Maintenant, le reste, il faut en quelque sorte garder un minimum de pragmatisme, et ça ne sera pas pour demain. Hein. Mais il est clair que il faut, à mon avis, avoir présente à l'esprit cette idée d'étagement des souverainetés. Et ça, c'est un vœu pieux peut-être, mais c'est la seule solution. Mmh. Et les forces, il y en a certainement. Mais pour l'instant, je dois dire que la situation s'est parée au plus pressé. Et peut-être que par exemple, en Moyen-Orient, quand on aura fait l'expérience de ce qu'est l'islamisme, on pourra peut-être aller voir un peu plus du côté de la politique. Mais il est clair que ça passe par une repolitisation de la société. Et là, ça passe par une lutte contre les ONG. Pourquoi, hein, selon toi? Les ONG sont des instances premières de dépolitisation. Que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique latine. Et tout ce qu'elles veulent, c'est le microcrédit, développer des self-help kits, c'est-à-dire adapter les gens à la misère, ou bien leur apprendre à s'endetter. Faire de la démocratie un protocole de renouvellement des élites qui est complètement détaché la démocratie de toute question sociale et de justice, quelle qu'elle soit. Et il est clair qu'à ce moment-là, si les mouvements en Afrique, comme au Moyen-Orient, ne voient pas quel est l'ennemi sur place, alors ils n'arriveront pas. Alors, moi, je vous dis que lutter contre les ONG, lutter contre cette idéologie de la société civile, il faut revenir d'abord à un langage qui n'est effectivement pas celui des élites qui sont formées en Occident, ce langage de gouvernance, etc. Il faut revenir à des concepts qui ont fait leur preuve au niveau de classe, de peuple, d'intérêt national, de souveraineté nationale. Et ça passe déjà par cette clairvoyance-là. Et si on continue à avoir en politique la langue du management, on aura les produits du management. Quand tu parles justement de remettre en cause ce discours du management, qui se dit dans un certain langage politique, autour du langage de la transparence, autour du langage de la bonne gouvernance, pour que tu sois bien compris par nos auditeurs, élabore en quoi ils participent d'un processus de dépolitisation. Tu as 2 minutes pour ça. Voilà. Écoutez, le management, c'est fondamentalement poussé vers le vent. Hein, il n'y a aucun rapport au passé. C'est de la prospection systématique, fondée sur des prises de risques. C'est une sorte d'entrepreneurship comme culture politique. C'est même plus que de l'entrepreneurship. C'est la capacité d'être le premier à déglinguer l'adversaire. C'est de la tuerie, si vous voulez. C'est de la tuerie ajournée. C'est la capacité d'optimiser des rendements dans le terme le plus possible, dans le plus petit terme possible. Alors le procès de repolitisation démocratique au sens populaire du terme. Ça passe par une politique de l'éducation, ça c'est sûr. C'est aussi peut-être l'intérieur des cultures qu'il faut peut-être puiser également. Oui. Mais alors, si il y a vraiment que ce soit du côté de l'islamisme, des dirigeants islamistes, ou du côté des élites, islamisées récemment ou fondamentalement économiques et qui sont pas trop islamisées, dans les deux cas, c'est soit le langage purement, on extirpe de la religion toute signification possible, toute transcendance, ou bien on a un langage de HEC, de nouveau management public. Je suis quand même atterré de voir que d'un pays comme le Maroc, il y a des écoles de management qui se créent à Casablanca tous les 15 jours. Oui, l'exemple parfait de ça, c'est les monarchies du Golfe. Et les monarchies du Golfe sont en train de mettre en place un système d'université et de college, comme aux États-Unis, pour la reproduction des élites. Et il est clair que là, il faudrait absolument montrer que, parce qu'en même temps, il faut éviter aussi le piège de la modernité absolue. Il faut revenir à des cultures, il faut revenir à la tradition, mais par là même montrer que c'est pas l'islamisme qui revient à la tradition. Tu comprends? Ben, élabore là-dessus, ça serait beaucoup plus. Ben, la capacité d'une tradition, c'est transmettre les capacités de changer. Tout à fait. Or, la tradition, elle a ceci d'extraordinaire, c'est que la capacité de changer ne peut se faire que sur une stabilité. C'est par la stabilité que l'on puisse, à un moment donné, changer les choses. Tandis que la logique du management, c'est l'accélération et faire du toupie sur place, c'est-à-dire le présent absolu. Et on ne peut changer que si on a une culture qui ne soit pas d'actualité avec le présent. C'est-à-dire que si ce que la tradition transmet, parce que traduire, ça veut dire transmettre, ce qu'une tradition transmet, c'est que tout le sens n'est pas dans le présent. C'est que ce qu'elle dit ne correspond pas directement à l'actuel. C'est-à-dire que toute tradition authentique, elle transmet de l'inactuel. Or, c'est le contraire que l'Occident est en train d'implanter par son système. Il y a le maillage des bases américaines. Hein. Il faut être tout à fait conscient que l'autre partie, c'est le maillage des collèges et des universités d'Occident dans ces pays. Et c'est un étau qui vont les faire mourir. Voilà, ben écoute Jacques, visiblement il va falloir que tu reviennes, tu esquisses des éléments de sortie de crise peut-être, de portée civilisationnelle, de portée culturelle et humaniste. Bon, j'espère que ton message sera entendu, j'espère surtout qu'on aura fait œuvre utile avec ta contribution et qu'on cessera de faire un profil bas sur cette région du globe et qu'on finira finalement on commencera par sortir un peu des regards simplificateurs qui finalement finissent par nous donner un très, très schématique sur cette région, là où des enjeux déterminants pour l'avenir du monde se jouent. C'est déterminant. Voilà. Alors, c'était Jacques Mascotto, sociologue de l'Université du Québec à Montréal, professeur retraité. Et je tiens tout de suite à remercier ma collègue Mélanie Lamande à la technique. Voilà. Restez à l'antenne de CKUT, 90.3 FM, l'émission Jazz au Forum suit dans un instant. Mes collègues Gwen Schulman et Doug Miller seront de retour la semaine prochaine, notamment pour trouver la partie en anglais de l'émission.